Je vais laisser maintenant la parole à Pierre-Yves Bernard, qui est un spécialiste du décrochage scolaire. Il a publié notamment un Que sais-je en 2011 sur justement cette question du décrochage scolaire. Il travaille aussi sur le bac professionnel en 3 ans et d'une manière plus générale sur les politiques éducatives et leur impact sur les acteurs. Il est aussi enseignant-chercheur donc, à l'Université de Nantes, au département de sciences de l'éducation et au CREN. Le titre de sa communication est « Le marché au secours de la forme scolaire ». Sans point d'interrogation. Merci Pascal. Donc je ne vais pas vous parler du décrochage scolaire. Et merci d'ailleurs de me donner cette occasion de développer d'autres réflexions. Je vais vous parler pas vraiment non plus du néolibéralisme en tant que tel, mais du marché. À la fois ce qu'entendent les économistes derrière ce terme, c'est-à-dire un dispositif technique qui régule la coordination entre les agents, mais aussi les principes qui fondent cette coordination marchande. Et ça, d'un point de vue de socio-économiste, c'est-à-dire soucieux effectivement de comprendre les mécanismes économiques, mais soucieux également de les inscrire dans des cadres sociaux, ou pour le dire autrement, dans des institutions. Ce sont des réflexions pour alimenter la discussion. Je ne parlerai pas de recherches particulières que j'ai menées, pas de terrain particulier, mais plutôt des références à la théorie économique, des références aussi aux politiques éducatives, notamment à travers les cadres interprétatifs que j'ai utilisés pour analyser ces politiques éducatives dans les travaux que j'ai réalisés avec Christophe Michaud et Vincent Troget. Alors mon intervention part d'un constat, un étrange parallèle en quelque sorte entre alors ce qui a été largement développé tout à l'heure des politiques éducatives qui utilisent des normes marchandes, la concurrence entre les agents, la standardisation des produits éducatifs évalués par des prix, etc. Des normes marchandes d'ailleurs parfois mises en place par les pouvoirs publics eux-mêmes. Je parlerai des incitations financières, par exemple, pour les élèves. Voilà, donc tout cela a été déjà bien décrit, mais par ailleurs aussi des pratiques, des valeurs éducatives qui certes sont plutôt à la marge des systèmes, mais qui s'inscrivent dans un modèle plutôt académique. C'est la valorisation de la forme de l'internat, dans le cadre des internats d'excellence, la remise en cause de la mixité, le développement des établissements de filles ou de garçons dans certains pays, dans certains établissements recrutant des publics favorisés, l'interdiction d'utiliser les outils numériques. Donc exactement le processus inverse de ce néolibéralisme qui encouragerait ce type d'outil. Alors comment interpréter cette conjonction ? Il y a à mon sens au moins 2 interprétations possibles. Une première interprétation qui serait celle de l'évolution historique avec en quelque sorte des retards dans cette évolution historique. On passerait comme ça progressivement de la scolée au supermarché, si je puis dire, et puis il y aurait quelques éléments de cette scolée qui résisteraient. Une deuxième interprétation, c'est celle que je vais plutôt suivre a priori, qui est celle plutôt de la multiplicité des références et de l'existence de plusieurs types de référentiels pour organiser l'action éducative et plus particulièrement les systèmes scolaires. En me fondant sur un travail conceptuel réalisé essentiellement par Éric Verdier, qui est socio-économiste et qui a développé la notion de régime d'éducation comme un ensemble de régularités qui ont trait à la conception, la production et la valorisation de la formation des jeunes. Cadre théorique qu'il a développé en utilisant à la fois les travaux dits des effets sociétaux, notamment des comparaisons internationales en Europe, en particulier entre la France et l'Allemagne. Les travaux de Maurice Cellier et Sylvestre ont été fondateurs à ce niveau-là. Et puis, bien sûr, la notion de convention telle qu'elle a été développée par l'ensemble théorique dit la théorie des conventions, et en particulier le travail de Boltanski et Thévenot en 1991. Donc Verdier distingue quatre conventions qui organisent ces régimes d'éducation. Quatre conventions qui se combinent de manière différente selon les régimes. La première convention est la convention académique. Dans cette convention, l'école se doit d'abord de détacher les individus de leur appartenance sociale pour leur attribuer une valeur scolaire qui elle-même est à la source du statut social légitime. Elle repose sur une séparation relative entre école et société, relative bien sûr dans la mesure où malgré tout le jugement scolaire va impliquer ensuite une position sociale, mais malgré tout séparation, bien connue, la fameuse séparation de la scolée qui permet de placer l'individu en dehors des contingences de la vie économique, sociale, etc. La deuxième convention, c'est la convention professionnelle. C'est la convention qui établit une relation entre l'éducation et le monde de la production à partir d'un ensemble de règles qui permettent d'établir une équivalence entre formation et emploi. Et c'est dans cette convention-là, par exemple, qu'on va placer la notion de compétence comme à la fois donc, jugement en situation de travail et élément d'apprentissage dans le système éducatif. La troisième convention, c'est la convention universaliste. Là, l'école est vue comme l'institution intégratrice par excellence. Elle vise à fonder d'abord une solidarité entre les membres de la société, à compenser les inégalités sociales et à fonder une démocratie effective par la transmission de valeurs et la création et la mise en place de conditions de l'égalité des chances. Et puis voilà enfin une quatrième convention distinguée par Verdier, c'est celle qui va m'intéresser davantage, c'est la convention marchande. Dans cette conception, l'activité scolaire est peu différenciée des autres activités professionnelles. L'institution scolaire est plutôt considérée comme une source de rigidité, de gaspillage, surtout quand elle est publique. Et dans cette convention-là, dans l'idéal, l'éducation pourrait être produite par des entreprises ordinaires, j'y reviendrai, notamment en m'appuyant sur ce qu'en disait Milton Friedman. Donc, dans cette convention-là, le recours à l'État est toujours vu comme un pis-aller, comme le fait qu'on ne peut pas faire autrement parce qu'il y a des imperfections du marché qui imposent cette intervention de l'État. Alors, au-delà de cette liste, la question que je me suis posée en utilisant cette conceptualisation, c'est la question des finalités. Au fond, dans chacune de ces conventions, y a-t-il une finalité adressée au fait d'éduquer ? Alors, dans le premier cas, la convention académique, c'est clair. La finalité, c'est le savoir savant, l'excellence scolaire, etc. Dans la convention professionnelle, c'est assez clair aussi. C'est l'emploi, l'insertion, etc. La convention universaliste, là aussi, c'est assez clair. La finalité, c'est de faire société, c'est de vivre ensemble. Par contre, pour la convention marchande, il me semble qu'il n'y a pas de finalité spécifique. Et cette intuition, je pense qu'on la retrouve en allant voir du côté des auteurs classiques qui ont fondé la pensée libérale en éducation. Donc je vais, même si c'est peut-être un peu décalé par rapport au néolibéralisme, m'appuyer sur des auteurs anciens, mais qui me semblent intéressants de citer. Le plus ancien de tous, en tout cas, celui qui est considéré comme le fondateur de l'économie de l'éducation, Adam Smith. Adam Smith développe dans la recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations une approche qu'on qualifierait aujourd'hui d'ultra-libérale du système éducatif. Il considère qu'on pourrait se passer a priori de l'intervention publique pour organiser l'éducation. Je vais citer un des extraits où il exprime. S'il n'y avait pas d'instruction publique pour l'éducation, alors il ne s'enseignerait aucune science, aucun système ou cours d'instruction dont il n'y eut pas quelques demandes. Autrement dit, si on laissait le marché fonctionner, l'éducation exprimerait une vraie demande. Et il précise d'ailleurs ce qu'il met dans cette demande, c'est-à-dire pas grand-chose en fait. Donc je reprends la citation, dont il n'y eut pas quelques demandes, c'est-à-dire aucun cours, etc., que les circonstances du temps ne rendissent ou nécessaire, ou avantageux, ou convenable d'apprendre. Vous voyez que la finalité, elle n'est pas très claire. C'est la nécessité, l'avantage, ou le fait que ça soit simplement convenable. Alors, on le sait, cette approche amène une contradiction, puisqu'Adam Smith, plus loin dans La richesse des nations, va dire ben, il faut quand même instruire le peuple. Il faut instruire le peuple, pourquoi ? Parce qu'un peuple non instruit, c'est un peuple qui présente un certain nombre de risques. Cette contradiction, elle a été donc largement montrée par les spécialistes de l'économie publique qui ont développé à partir de cette contradiction-là l'idée d'externalité, c'est-à-dire qu'au fond, il est nécessaire malgré tout d'apporter une certaine éducation de base à tout le monde. Mais j'en arrive au courant néolibéral plus contemporain avec Milton Friedman. Cette éducation de base est elle-même indéterminée. Je reprends là aussi une citation de cet auteur. Donc là, c'est en 1955. Milton Friedman, dans un texte sur le rôle du gouvernement dans l'éducation, développe une théorie ultralibérale qui va être à l'origine de ce qu'on appelle les vouchers en éducation, hein, l'idée que finalement l'État pourrait se désengager totalement de l'administration de l'éducation, pas du financement, mais de l'administration. Et il dit, les services éducatifs pourraient être rendus par des entreprises privées, exploitées dans un but lucratif, ou par des institutions à but non lucratif de toutes sortes. Le rôle du gouvernement se limiterait à assurer que les écoles répondent à certaines normes minimales, telles que l'inclusion d'un contenu minimal commun dans leur programme, de la même manière qu'il inspecte de nos jours les restaurants pour s'assurer qu'ils maintiennent les normes sanitaires minimales. Voilà, donc, autrement dit, peu importe ce qu'il y a dans l'assiette, l'important c'est que ça ne soit pas dangereux. Hein, c'est pas dans la citation, hein, mais en gros c'est au fond ce qu'en dit Friedman. Voilà, donc pour terminer, quelles conclusions on peut en tirer ? Je pense qu'on peut en tirer deux conclusions, c'est-à-dire que plus le marché fonctionne, plus ça révèle le sens des intérêts des mieux dotés culturellement et économiquement. Donc au fond, le marché a tendance à conserver ces intérêts qu'on va retrouver plutôt dans la convention académique. Bon, ça c'est une conclusion assez triviale, hein. Le marché est plutôt conservateur, et notamment il est conservateur des inégalités. La deuxième remarque, c'est à mon avis, ça va un peu plus loin, c'est-à-dire que c'est en termes de légitimité. Hein, le marché peut légitimer des pratiques à condition qu'elles s'inscrivent dans une finalité définie préalablement. Et compte tenu des attentes vis-à-vis de l'école, je pense que cette légitimité va plutôt s'inscrire dans la convention académique. Un exemple pour terminer, c'est celui des incitations financières pour les élèves. Alors, je ne sais pas si vous en souvenez pour le public français, mais en 2009, il y avait une affaire qui avait fait grand bruit en France dans le cadre d'une expérimentation. Alors là, pour la lutte contre le décrochage scolaire, il avait été proposé de développer des incitations financières pour que des élèves soient assidus dans des lycées professionnels de l'Académie de Créteil. Donc ça avait fait scandale, etc. Alors ce qui est intéressant de contextualiser à propos de cette affaire, c'est que ça faisait suite ou ça s'inspirait d'un certain nombre d'expérimentations menées par les économistes, notamment Ingrid Stelavy en Israël et Durden et puis toute une équipe de la London School of Economics en Angleterre. Ça a inspiré d'ailleurs des pratiques, hein, la Education Maintenance Allowance en Angleterre qui a été mise en place en 2004, et qui du reste a été supprimé en 2010. Et voilà, donc avec beaucoup de débats, beaucoup de discussions. Et je pense que on pourrait transposer donc tous ces exemples-là à d'autres pays que je connais moins bien. Par contre, il y a, je dirais, une forme d'incitation financière en France qui fonctionne sur le même principe, hein, c'est-à-dire finalement donner un gain monétaire à des élèves. Cette incitation financière n'a fait, elle, beaucoup moins, enfin, à ma connaissance, n'a pas fait de bruit médiatique. C'était la même année, c'était en 2009. C'était les bourses au mérite. Les bourses au mérite, où il s'agit, là, cette fois-ci, d'attribuer une incitation financière aux élèves méritants. Alors, le principe du mérite, c'est quoi ? C'est le fait d'avoir une mention bien ou très bien au brevet, ou si je reprends les textes de la circulaire qu'il établissait, les élèves qui se sont distingués en classe de 3e par leur effort dans le travail scolaire, voilà, sans obtenir toutefois la mention très bien au bien ou bien au diplôme national du brevet. Et donc il me semble que là, on a un bel exemple de mécanisme finalement marchand, hein, de l'incitation financière, complètement réintégré dans un cadre académique et qui finalement conserve à la fois des pratiques et puis des valeurs, hein, la valeur du mérite individuel, dans le cadre du système éducatif. Voilà, je vous remercie. Bah, nous vous remercions aussi, Pierre-Yves, pour votre contribution qui va nous permettre aussi peut-être de voir aussi les politiques libérales, les politiques du marché d'un autre point de vue. Donc voilà, nous avons entendu cinq points de vue sur la question qui nous intéresse de l'éducation du néolibéralisme. Alors voici venu maintenant le temps des questions du débat. Donc on va prendre vos questions que vous pouvez poser aux membres de la table ronde. Mais peut-être d'abord on va demander déjà aux membres de la table ronde peut-être d'intervenir sur ce qui a été dit par les uns et par les autres, ce qu'ils n'ont pas encore fait nécessairement. Voilà, donc oui, Pierre-Yves. Oui, comme je suis un peu, ça y est, chauffé, là, je vais continuer. J'avais une question, enfin plutôt une remarque à faire à Michel, quand tu as présenté donc, la théorie du capital humain. Remarque que tu as faite, auquel je souscris globalement. Hein. Mais je pense qu'il y a un élément à ajouter pour la présentation de cette théorie, élément qui, à mon avis, amène à un paradoxe, et donc c'est là que va arriver la question. Donc l'élément, c'est que la théorie du capital humain, c'est une théorie d'abord microéconomique, fondée sur l'idée que les individus sont rationnels et qu'ils ont intérêt à investir en éducation et en formation pour obtenir un gain. Alors le problème que pose cette hypothèse, c'est que si tous les individus sont rationnels, ils ont tous intérêt évidemment à investir en éducation, et donc tout le monde doit être très éduqué. Ce qui n'est pas le cas, ce que Gary Becker montre bien dans son ouvrage, il y a des inégalités de parcours scolaire, des inégalités d'investissement en capital humain, et comment il l'explique finalement, il l'explique par les inégalités innées. Au fond, donc, on est. Alors, tu parlais de schéma de convertibilité. Le marché convertirait en fait des inégalités déjà là, déjà existantes. Voilà. Donc, est-ce que on n'a pas là finalement une approche théorique qui est d'abord, comme je le disais enfin, dans l'intervention, c'est pour ça aussi que je pose la question là, qui est fondamentalement d'abord conservatrice.